Complice. J'ai parlé trop souvent du jury dans mes romans. Une belle-mère, le docteur Claude, conscience, justice, complice. Et j'ai trop souvent montré jusqu'où il peut aller ou jusqu'où on peut le conduire pour ne pas devoir donner la preuve que je l'ai étudié et que mon opinion à son égard ne s'est pas formée à la légère. Pour cela, je ne saurais mieux faire, me semble-t-il, que de reproduire ici mes notes prises au jour le jour pendant une session où j'étais moi-même juré. Note d'un juré. Un matin de septembre, on introduit dans mon cabinet un gendarme. Et comme je le regarde assez surpris, tout de suite il me sourit pour me rassurer, un homme habitué à faire des visites désagréables. « C'est pour le jury, » me dit-il, et dans la sommation qu'il me remet, je lis que je dois me rendre au palais de justice le 1er octobre à 10h du matin. Bien que cette sommation me surprenne au milieu d'un travail pressé, la perspective de suspendre ce travail ne me fâche pas du tout. Ces 15 jours ne seront pas perdus. Jusqu'à ce moment, je n'ai connu de la cour d'assises que ce que le public en peut voir, soit en assistant à quelques grandes affaires, soit en lisant dans le droit celles qui présentent de l'intérêt. Mais je vais entrer dans les coulisses et de spectateur devenir acteur. C'est une étude qui vaut bien les 15 jours qu'elle va me prendre. Le président, l'avocat général vont fonctionner sous mes yeux et, ce qui est autrement curieux, autrement mystérieux, les jurés eux-mêmes dans la chambre de leur délibération. Par quelle raison se déterminent ces figures de sphinx dont les verdicts si souvent stupéfient ou indignent le public? Il faudra bien qu'ils les fassent connaître, puisque je vais les écouter et même les interroger quand l'envie m'en prendra. Les études des magistrats sur la cour d'assises sont nombreuses. Mais du jury, ils n'ont pu rien dire, puisqu'ils ne savent rien de lui ou presque rien. 1er octobre. Dans la chambre du conseil, le président, assis devant une grande table, à sa droite et à sa gauche, ses assesseurs. À un bout est l'avocat général. En face, le greffier. Les accusés sont collés le dos à la muraille, flanqués de municipaux. Les avocats sont dans un coin. Les 40 jurés titulaires ou suppléants composant la liste de session se tiennent groupés, tassés les uns contre les autres, graves, inquiets, ahuris, avec des attitudes étudiées pour dissimuler leur embarras. Ils semblent pénétrés de leur importance, de la grandeur du rôle qu'ils vont remplir, et cela non pas seulement depuis qu'ils sont dans cette salle, mais certainement depuis qu'ils ont reçu leur sommation. Cela se voit à la toilette sévère qu'ils ont faite, et qui est d'autant plus soignée que celui qui la porte est plus vulgaire. En leur âme et conscience, ils sont venus avec la ferme intention de se montrer des hommes probes et libres. En attendant qu'il soit procédé à l'appel général, on s'examine. Les magistrats, les jurés, les magistrats, et des deux côtés avec une égale défiance. Combien allons-nous trouver d'imbéciles parmi ces 40 bons hommes, se demandent les magistrats. Quel mauvais tour vont nous jouer ces enjuponnés, se demande plus d'un juré qui croit que le président et l'avocat général ne cherchent qu'à faire couper le cou à des innocents pour avoir de l'avancement. Il y a longtemps que les journaux aidant, le respect est mort, celui des jurés pour les magistrats, celui des magistrats pour les jurés. Quel magistrat ne s'esclafferait pas si on lui disait qu'un juré est respectable au même titre que lui, magistrat, et cela par la faute des uns comme des autres, pour des verdicts scandaleux de sottise, aussi bien que pour des débats conduits avec une partialité révoltante. Parmi ces 40 imbéciles, tous ne le sont pas jusqu'à ce point, mais précisément ceux qui savent n'ignorent pas que, depuis une vingtaine d'années, les parquets s'efforcent d'enlever aux jurés, pour les envoyer devant la correctionnelle, les affaires qui, d'après la loi, devraient être jugées par lui, et cela mieux que tout, dit l'esprit et les sentiments de la magistrature. Puisque le voilà juré, il s'en souvient. L'appel se fait. Que de commerçants, fabricants, boutiquiers, épiciers, bouchers, coiffeurs, marchands de vin. Il semble que ce soit un tribunal de commerce, de tout petit commerce. Que va-t-on tirer de cet assemblage? Avant tout, et quels que soient ses sentiments secrets, le président veut gagner notre confiance. Après, on verra jusqu'où nous nous laisserons mener. Pour cela, il importe qu'on n'aille pas s'imaginer qu'il est impitoyable aux accusés. Lui, dur, allant donc. Il parle donc d'indulgence et d'une voix attendrie. Il loue cette disposition de la loi qui a voulu laisser aux jurés le privilège des circonstances atténuantes, leur permettant de concilier ainsi leurs devoirs envers la société en même temps qu'envers l'humanité. L'avocat général le suit. « Qu'allez-vous penser de moi, messieurs les jurés? en voyant celui que la société a posé en sentinelle avancée pour la défendre, se départir de la sévérité de ses fonctions et incliner à la faiblesse. N'allez pas vous dire qu'il abandonne son poste. En étudiant le dossier de cette affaire, j'étais résolu à m'opposer énergiquement à l'admission de circonstances atténuantes. Mais après avoir vu l'attitude de ce malheureux jeune homme à l'audience, après avoir entendu ses sanglots, je ne m'oppose plus à ce que vous mitigiez votre verdict par l'admission de ces circonstances atténuantes, si vous trouvez humain de les lui accorder. » Et voilà un jury retourné. Des hommes comme d'autres, ces magistrats que nous avons la chance d'avoir pour nous diriger, on ne voit plus leurs jupes. Maintenant, le vent de défiance est apaisé. Encore un peu, on les suivra où ils voudront nous faire aller. Dans ces deux petites affaires choisies exprès pour tâter le jury dès le premier jour, on aurait certainement répondu non. Puisqu'ils nous ont demandé un verdict mitigé, on ne peut vraiment pas le leur refuser. Et c'est oui avec conviction. 2 octobre. À l'audience, ils se tiennent dans des attitudes composées, messieurs les jurés, parce qu'ils ont conscience que le monde entier a les yeux fixés sur eux et qu'ils doivent être dignes de la cérémonie dans laquelle ils officient. Mais rentrés dans la chambre de leur délibération, autrement dit dans les coulisses, qu'ils sont donc effarés, éperdus, cocasses ou piteux. Hier, après la première affaire, il y en eut un qui, perdant tout à fait la tête, voulut retenir l'huissier qui nous avait amenés dans la chambre de nos délibérations. Mais celui-ci, se doutant de ce qu'on allait lui demander, se retira discrètement avec un sourire méprisant. « Que lui vouliez-vous donc ? » ?»« Il sait, lui, il aurait pu nous renseigner. » Se renseigner, c'est là surtout ce que recherche le juré dans son désir de bien juger. Il ne sait pas, on ne lui a pas appris. Et pour apprendre, plus d'un se colle le nez devant l'article 342 du Code d'instruction criminelle affiché en gros caractères. La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Et cette lecture redouble son anxiété, car il ne l'a pas cette intime conviction pour décider si l'accusé est ou non coupable. Ou plutôt il en a deux. Une qui s'est formée pendant que l'accusation parlait, une autre contraire qui lui a été suggérée par la défense. Comment s'y reconnaître? Comment se décider? Et l'on examine ses voisins. Si parmi eux il s'en trouvait un qui eut des lumières spéciales, qui fut un ancien juré, par exemple, ayant la tradition, ou bien qui fut avocat, mieux vaudrait le consulter plutôt que l'huissier trop discret, ou le garçon de cour d'assises qui porte sur son visage tous les crimes que depuis 30 ans il entend juger et que cache mal les lunettes noires derrière lesquelles il abrite son regard. Aujourd'hui, comme nous avons à décider dans une affaire d'attentat à la pudeur commis par un homme de 50 ans sur une petite fille de 8, mon voisin se penche vers moi pour lire mon bulletin. « Vous mettez oui ? » ?»« Assurément. » »« Sans circonstances atténuantes ? » ?»« Je n'hésite pas. » Pourtant, il est membre d'un bureau de bienfaisance, mon voisin. Et Marguillier, je le regarde, il approche de la 60aine, il s'explique en me parlant à l'oreille. Vous ne savez donc pas que c'est à 50 ans que le sang d'un homme qui emploie sa vie à travailler commence à fermenter. Sa femme est trop vieille pour lui, il est lui-même trop vieux pour faire des connaissances, alors son sang l'emporte, et puis vicieuses qu'elles sont les gamines. Dans mes fonctions, on apprend ça. Le chef du jury est un boucher qui, pour le triomphe de la tenue, l'emporte extraordinairement sur nous tous. Sa redingote noire a le brillant du neuf, et dans son gilet à châle largement ouvert, bouffe le jabot plissé d'une chemise de fine toile. Au moment de donner lecture de notre verdict qu'il tient de la main gauche, il voudrait bien, pour obéir à la loi, mettre sa main droite sur son cœur, mais son beau jabot justement incliné de ce côté le gêne fâcheusement. Il a un moment d'hésitation partagé entre le respect de son beau linge et celui de la loi. C'est le linge qui l'emporte. Avec résolution, il plaque sa main sur son nombril. Espérons qu'il n'a pas vu le sourire du président. Ce n'est pas seulement de son juré que le président veut faire la conquête, c'est aussi de ses jurés individuellement, au moins de quelques-uns. Aujourd'hui, il m'a fait appeler dans son cabinet avant l'audience et nous avons causé. Comment trouvez-vous la salle ? Trop grande. On voit bien que vous n'avez pas à répondre aux demandes de place pour une affaire à sensation. Il est fâcheux qu'on en donne. 25 places pour le public debout suffiraient à la publicité des débats qu'exige la loi et le spectacle serait supprimé. Non castigat mores la cour d'assises. Et les journaux ? Les journaux n'auraient pas de place. L'aggravation de la publicité par les journaux est une calamité. En tout cas, si la salle était petite, on entendrait ce qui s'y dit ce qui n'a pas lieu dans celle-ci, au moins pour les témoins qui font face à la cour et non au jury. Et moi, m'entend-on ? Parfaitement. Eh bien alors ? Évidemment, il tient à être entendu notre président, et ce n'est pas seulement pour ses assesseurs qu'il fait des mots. Quelle déception pour lui s'il n'avait qu'un public de 25 personnes et ses jurés. Gracieusement, il me propose de me faire récuser quand j'aurai des empêchements, et il paraît surpris que je lui réponde que je n'en aurai pas. Ça vous amuse donc ? Ça m'intéresse. Surtout ce qui se passe dans les coulisses. Celles où vous ne pouvez entrer que si nous voulons bien vous faire appeler, et où un tas de braves gens se mettent la cervelle au supplice pour se faire une intime conviction. Dites à vos confrères que pour être juré, il ne faut pas perdre le boire et le manger. Je ne crois pas que cela arrive, au moins le boire, si j'en juge par les déjeuners des suspensions d'audience. 3. Mon nom n'est pas appelé. 4. Dimanche. 5. Nous avons perdu notre avocat général. Esprit fin, subtil, habile à démêler les impressions du jury et à les diriger dans le sens qu'il veut. Celui qu'il remplace est son contraire. Il appartient au vieux jeu, au genre ambigu, parle avec des trémolos, dédaigne de séduire, prétend s'imposer, arracher la conviction du jury par sa seule autorité, par le respect qu'on doit à ses fonctions. Le résultat ne se fait pas attendre. Deux affaires, deux acquittements et cependant les avocats ont été misérables. Je crois bien que c'est aussi un peu par leur nullité qu'ils ont gagné leur cause. On a eu pitié des accusés si mal défendus. Décidément, c'est un instrument délicat que le jury est dangereux. Quand dans le public on s'indigne contre les verdicts idiots, on ne se rend pas compte bien souvent de ce que ont été les débats et les plaidoiries. 6. Notre président commence aussi à perdre un peu de la confiance que son invocation à l'humanité lui avait gagnée. Il est déconcertant, avec les témoins comme avec les avocats. Avec les témoins, il ignore certainement l'article du code disant que le témoin ne peut être interrompu, car il ne les laisse pas enchaîner deux phrases sans intervenir, s'ils sont contraires à l'accusation pour les bousculer, s'ils lui sont favorables pour les pousser et les aider. Dans les trois mots « allez vous asseoir », il rend son arrêt sur eux. Un imbécile ou bien un brave homme. Avec les avocats, c'est par l'ironie qu'il procède. Aujourd'hui, celui qui défend l'accusé fait, pendant la déposition favorable d'un témoin, un signe d'approbation. Vivement, le président intervient. « Ne vous hâtez pas de triompher !»« Attendez les autres témoignages, vous allez voir. C'est nerveux, n'est-ce pas ? Calmez-vous. » Et l'avocat se calme en effet. Comment se fâcherait-il ? Presque tous, ils sont choisis d'office, et par là dans la dépendance du président, dont ils doivent tout supporter. Avec son jury, il se fiche de lui tout le temps, simplement, d'un air bonhomme et narquois. Si l'homme au jabot n'avait pas vu son sourire, d'autres l'avaient surpris, et cela ne se gêne pas pour dire qu'il ne trouve pas ça digne. S'il était à notre place, pour moi, je crois que s'il était à notre place, ce qu'il gênerait le plus, ce serait de se taire, mais il se rattraperait en se moquant du président, de l'avocat général, des avocats et de nous tous. Voilà le danger d'avoir pour président un homme d'esprit, qui ne peut pas résister au besoin de montrer ce qu'il est. L'appel d'une nom est, même pour lui, matière à drôlerie, car si ces noms ne sont pas absolument insignifiants, il fait à ceux qui peuvent avoir un sens quelconque un sort cocasse, et par sa prononciation, il les rend tout à fait drôlatiques. Il s'amuse, il faut bien passer le temps. Mais ne s'amusent pas ceux dont ils se moquent, et même les autres qui se demandent si ce ne sera pas leur tour demain. Le jury vaut bien la magistrature, sans doute, plus d'un trouve même qu'il est au-dessus. Et puis, de notre côté, ce qui avive l'antipathie qui commence à se manifester, c'est qu'en bon robin, il saisit toutes les occasions qui se présentent de taper sur les commerçants. Or, la majorité de son jury est précisément composée de commerçants. Aujourd'hui, on a jugé deux vols par commis, l'un au préjudice d'un grand magasin de nouveautés, l'autre dans une maison de vente à crédit. Le premier secoué est l'un des directeurs de ce magasin, et cependant, pour paraître devant la cour, il a fait une toilette qui aurait dû lui mériter la bienveillance de celle-ci. Jamais gravure de mode n'a été aussi soignée. L'homme au jabot est satisfait de voir qu'il se trouve encore des gens qui ont de la tenue. Ce directeur vient déposer sur des vols commis par des employés dans ces magasins, et le président s'est mis en tête de lui faire dire à quel chiffre s'élève le montant de ses vols dans une année. Ça n'a pas un rapport bien direct avec l'affaire, mais s'intéresse par curiosité. Cependant, il a beau se faire pressant, il n'arrive à rien de précis, soit que le directeur ne connaisse pas le montant de ses vols, soit qu'il ne veuille pas l'avouer pour que son énormité n'encourage pas les voleurs à continuer. Enfin, on vous vole ou on ne vous vole pas? On nous vole. Combien? Tout est inutile. Et les accusés en profitent pour se défendre en disant que quand on vend 18 francs le mètre une soie qui ne coûte que 6 francs, 15 francs le mètre un drap qui ne coûte que 4 francs, c'est le public qui est volé. C'est le commerce, conclut le président. Et les commerçants du Jury ne sont pas du tout satisfaits de cette explication. Ah, mais pas du tout, du tout. Pas plus que de voir bousculer un des leurs. Avec l'autre, c'est bien pire. Votre profession? Directeur de... Vous n'avez pas fait faillite? Mais, monsieur le président... Non. Allons, tant mieux. Quel est votre chiffre d'affaires? 2 millions. Vous vendez donc à crédit et vous prétendez ainsi être le bienfaiteur des classes laborieuses. Mais, c'est vos réclames qu'ils disent. En réalité, vous faites payer très cher les prétendus services que vous êtes censé rendre, si bien qu'après le premier versement, l'objet vendu par vous est plus que payé. Messieurs les jurés apprécieront. Messieurs les jurés apprécient en effet que les témoins ne sont pas les accusés et qu'on pourrait les traiter moins dédaigneusement quand ils sont commerçants. 9. 10. Rien. 11. Avortement et tentative d'assassinat. L'affaire est grave puisqu'elle peut entraîner la mort. C'est la première fois que je sens bien toute la différence qu'il y a à assister à une audience comme public ou comme juré, et combien sont différentes aussi les rumeurs de l'auditoire quand on les entend dans la salle ou de la chambre des délibérations, comme elles pèsent sur la conscience et l'oppressent. Lorsqu'on construit une salle d'assises, on devrait bien placer la chambre des délibérations assez loin pour que les rumeurs de la foule ne puissent pas arriver jusqu'à elle. Mais ce sont les architectes qui construisent, et jamais ils n'ont souci de prévoir à quel usage leur construction doit servir. Il est 9 heures du soir quand on nous renvoie dans notre chambre et nous y entrons silencieux, émus, mal à l'aise, car nous sentons que la mort plane et qu'il dépend de nous, d'un petit mot de 3 lettres, pour qu'elle s'abatte et frappe. Jusqu'à ce jour, j'ai plus écouté que parlé, car si l'on se défiait des magistrats, on se défiait tout autant du romancier, mais en ce moment je crois avoir quelque chose à dire et je le dis. Il est 9 heures du soir, j'ai déjeuné ce matin à 8 heures avant de partir de chez moi. Si malgré la faim qui me talonne je prends la parole, ce n'est pas pour retarder votre dîner et le mien. On a commencé par m'écouter d'un air inquiet. Cependant, on se rassure, et quand j'explique que si le père et la fille sont coupables tous les deux, ils ne le sont pas également, que si le père a toute la responsabilité, celle de la fille doit être atténuée. Un courant sympathique s'établit qui bientôt arrive à l'acceptation de circonstances atténuantes pour la fille. Je ne crois pas que j'aurais obtenu ce résultat avec de belles phrases. On me sait gré d'avoir épargné à des estomacs exigeants celles qu'on redoutait d'un auteur. 11. Ceux qui n'en font pas des belles phrases, ce sont les avocats. Depuis que nous siégeons, nous en avons vu défiler une trentaine. Rares sont ceux qui ont pris la peine de plaider. À noter parmi eux, cependant, un vieux qui a discuté son affaire, non avec des périodes éloquentes, mais après avoir étudié son dossier et bâti un plan serré, composé, enchaîné, qui partait d'un point pour arriver à une conclusion. Aussi, celui-là nous a-t-il mis dedans et gagné sa cause, qui, avant qu'il parlât, semblait irrémédiablement perdue. Les autres, le gâchis du va comme je te pousse, au hasard de l'improvisation. En n'apprenant plus à parler, on dit que les maîtres du barreau dédaignent les plaidoiries d'assises. Ce dédain semble avoir gagné les jeunes. Il est vrai que ceux qui ont parlé devant nous ne seront probablement jamais des maîtres nulle part, ni art, ni travail, rien. Et cependant, combien elles pourraient être puissantes, passionnantes, cette éloquence de cour d'assises qui s'adresse à 12 bons hommes si différents entre eux et qui, pour ignorants ou bêtes qu'on les suppose, présentent au moins cela d'intéressant, de n'être point coulés dans le moule du professionnel et, par conséquent, d'avoir gardé une plus forte part d'humanité. Comme ces avocats diffèrent des experts que nous avons entendus jusqu'ici, ces derniers calmes, méthodiques, parlant bien, sans se reprendre autrement que par des parenthèses habilement ouvertes. 12, 13, un forçat doit déposer. « Vous savez que vous ne pouvez pas prêter serment, » lui dit le président, « mais vous devez dire la vérité. Je le jure sur votre honneur, monsieur le président. » Autre témoin, c'est une concierge s'adressant à un homme accusé de viol qui rentre chez lui après plusieurs jours d'absence. Je lui ai dit, Ne vous faites pas arrêter ici, je vous en prie, dans notre maison, ça me fendrait le cœur. 14. Notre avocat général, le premier que nous avons eu, nous est revenu et tout de suite on s'en aperçoit. Contrefaçon de monnaie d'argent. Un homme venant de Bruxelles a tenté de décider un apprenti d'une imprimerie où l'on tire les actions et les obligations de chemin de fer à lui remettre les feuilles gâchées de ses obligations. Le gamin n'a pas refusé et a donné rendez-vous pour le lendemain à son tentateur chez un marchand de vin, puis il a prévenu son chef d'équipe et la police a été avertie, si bien que quand le lendemain l'homme arrive chez le marchand de vin, on l'arrête. On ne peut pas le poursuivre pour les obligations, bien que l'usage qu'il en voulait faire soit facile à deviner, mais on a trouvé sur lui 2 pièces de 5 francs en argent fausse, et ce sont elles qui l'amènent aux assises. L'interrogatoire du président est tout à fait sommaire, puis la parole est donnée à l'avocat général. Jamais affaire plus simple ne fut soumise à votre examen, messieurs les jurés, et je croirais faire injure à vos lumières si j'entrais dans des développements vraiment superflus. L'accusé était-il porteur de 2 pièces fausses? Il le reconnaît. A-t-il introduit ces pièces en France? Il le reconnaît aussi, puisqu'il est arrivé de Bruxelles la veille de son arrestation. Et c'est tout. L'avocat général s'assied. L'avocat croit devoir imiter cette concision et lui aussi parle de la simplicité de cette affaire, comme aussi de l'injure qu'on ferait à nos lumières en la plaidant longuement. Qui n'est pas exposé à porter dans sa poche des pièces fausses? Pour cela, passe-t-on aux assises, et pendant 10 minutes à peine, il plaide l'innocence de son client. Nous aussi, nous sommes rapides, et en quelques minutes, nous avons répondu oui à la question posée sur l'introduction de ces 2 pièces fausses en France. Comme l'homme est évidemment un voleur, pas de circonstances atténuantes dont ne nous a pas parlé l'avocat assure d'un acquittement. C'est l'article 132 du Code pénal, lu par le président, qui nous ouvre les oreilles et l'esprit. Quiconque aura contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou participé à l'émission ou exposition d'édites monnaies contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire français sera puni des travaux forcés à perpétuité. Les travaux forcés à perpétuité pour cela? C'est de la stupeur chez quelques-uns, de l'indignation chez quelques autres. Je vais voir le président dans son cabinet où je le trouve avec l'avocat général. Ils sont souriants. « Comment la trouvez-vous ? » dit le président. « Abominable. » Mais je n'ai pas le temps de développer mes reproches. Le défenseur vient de paraître la tête basse. « Vous savez, » dit le président avec son air goguenard, « que si vous voulez me demander mon concours pour entrer dans la magistrature, il vous est acquis. Vous obtenez si bien le maximum. » 15. Nous voici à notre dernier jour. Le président, nous faisant ses adieux, nous adresse un petit discours pour nous remercier du concours éclairé, combien de choses dans ce petit mot, que nous avons prêté à la justice, et aussi pour rassurer notre conscience au sujet des peines prononcées par la Cour en vertu de nos verdicts. Évidemment, il est bon d'atténuer pour nous l'effet produit par notre verdict rendu dans l'affaire de la fausse monnaie. Quant à ces peines, si dures qu'elles vous paraissent, soyez certains qu'elles seront adoucies si les condamnés le veulent. Par leur conduite, ils sont les maîtres de leur vie, et la durée de ces peines, c'est eux qui la déterminent. Voilà les Timorés soulagés. Mais ce qui mieux encore que ces paroles allègent les scrupules, c'est la collecte qu'on nous fait faire entre nous au profit des condamnés. J'ai encore à vous remercier de votre collecte. Ainsi, vous avez prouvé que vous savez concilier les devoirs de la justice et ceux de l'humanité. Elle a produit 165 francs, cette collecte, entre 40 jurés. Ça met le repos des consciences à 4 francs l'une.